11 A 1 Le chat 2 La joie 3 Le jouet 4 La chouette 5 La jupe 6 La chute 7 Le choc 8 La gêne 9 Le charme 10 Le gel 11 Le champ 12 Le gîte